Bonjour à tous, il est 18h, l'heure de nous retrouver avec Yousra pour 100% Union, l'émission dédiée 100% à l'Union portugaise. Donc comme d'habitude, on va revenir sur les matchs du week-end et on aura aussi en fin d'émission le programme du week-end à venir et de la semaine à venir, puisque comme maintenant déjà depuis quelques semaines, on aura un match en plein milieu de la semaine pour nos seniors, donc on en parlera tout à l'heure. À espera de lugar difícil de encontrar, no canudo viva a esperança. Atrás das luzes sem vertigem, ao medo da noite que sente, que tens de conquistar, que tens de conquistar. Ai, estes são os filhos da nação, adultos para ser, ansiosos por saber. Ciel, c'est du soleil toute la journée. Et oui, arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée, surtout aujourd'hui. C'était pas forcément le cas ce week-end au bord des terrains. Alors surtout samedi matin pour notre plateau U9, donc à domicile, on recevait les équipes de La Chapelle et les équipes de l'Escale. Et donc nos deux équipes U9, donc on fait une victoire, un match nul et une défaite sur l'ensemble du plateau. Donc j'en profite déjà pour te dire bonjour Yousra, merci encore une fois d'être avec moi ce lundi. Bonjour Fernanda, merci à tous de nous écouter une fois de plus aujourd'hui. Donc on va revenir donc sur les matchs de samedi. Donc on commençait donc avec les U9 le matin à 9h45 à Vidaro. Suivait ensuite l'équipe des U13. Oui, l'équipe, une des U13 recevait à Vidaro à domicile l'équipe de Tigi Bien-Aval. Match disputé pour le U13 avec une victoire 5-4 face à l'équipe de Tigi Bien-Aval. Donc on va écouter tout de suite les différents intervenants du match, donc deux joueurs et le coach. Je suis avec Chaïd, coach des U13. Victoire 5-4 aujourd'hui face à cette équipe de Tigy. Tes impressions, toi, sur le match? Bonjour Fernanda, franchement c'était un bon match. On a réussi à amener les 3 points, c'était vraiment important. Et du coup on a reparti pour la première mi-temps, c'était un peu compliqué. Mais du coup vite fait on a pris 2 buts dans même pas 10 minutes, c'était un peu compliqué. Mais après on a réussi à rentrer dans le match et égalisé, et il y avait Ivan, il a marqué 3 buts et Walid 1 but. Non, Ivan 4 et Walid 1 but. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la continuation de cette saison? Franchement, c'est bien déjà, si on continue comme ça, on va prendre match par match et on va voir ça donne quoi. Mais l'important c'est de gagner et on va faire dans notre mieux. Merci Chaïd. Je suis avec Aboubakar, défenseur central pour l'Union portugaise, pour les U13. Aboubakar, 5-4 sur ce match. Qu'est-ce qui, selon toi, explique ce score aujourd'hui? On a bien joué. Et on aurait pu se prendre moins de buts. Okay. Toi, ton match, toi, à toi personnellement, comment ça s'est passé? Bien. Ok, merci Abou. Donc je suis avec Walid, buteur sur cette rencontre. Walid, victoire 5-4 pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique ce score? On a très bien joué. Les attaquants, les défenseurs aussi, ils ont très bien joué. Du coup, je pense c'est pour ça qu'on a gagné. Okay. Et t'as marqué un but, heureux d'avoir marqué aujourd'hui? Oui, très content d'avoir marqué le premier but du match. Du coup, je suis très content. Et une autre personne a marqué 4 buts. Et du coup, c'est grâce à lui qu'on a gagné en partie. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains matchs? Gagner et espérant toujours gagner, jamais perdre. Il faut toujours crier, enfin il faut toujours encourager celui qui a tiré et qui a raté. Ok, merci Walid. Donc voilà pour nos U13. Donc comme l'a dit le coach et l'a rappelé donc Walid, qui était aussi buteur, donc en plus de Walid qui avait marqué un but, on a eu un quadruplé de Ivan pour les U13. Donc ensuite. Donc deuxième match de ce week-end, l'équipe 1 des U11 se déplaçait sur le terrain de Neuville et victoire 3-2 pour l'équipe de Neuville, donc défaite pour l'équipe de Lyon poursuite. Donc pour l'équipe 1 des U11, on n'a pas de retour, en tout cas de retour audio concernant ce match. Donc c'est un match assez disputé, avec toutefois des décisions arbitrales qui entraînent la défaite de nos U11. Ensuite, donc Yousra. Quatrième match du week-end, l'équipe 2 des U11 se déplaçait sur le terrain de La Ferté. Lourde défaite pour l'équipe de l'Union portugaise, 4-2 face à La Ferté. On va écouter tout de suite les différents intervenants de ce match. Donc je suis avec Amine, coach aujourd'hui de l'équipe de D11. Défaite 4-2 face à La Ferté. Qu'est-ce qui, d'après toi, explique le résultat? C'est beaucoup jeté en défense. Sinon, on menait deux fois au score. Mais comme j'ai dit, manque de concentration en défense et ça ne nous a pas réussi. Qu'est-ce qu'on va leur faire travailler à l'entraînement pour améliorer au prochain match? Les 1 contre 1, le jeu de tête aussi. Et je pense que ça pourra le faire pour le prochain match. Tu penses qu'on peut encore raccrocher le haut du tableau ou ça va être compliqué? Non, on a un bon groupe, c'est-à-dire avec plus de concentration, ça va le faire. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Amine. Donc autour de Lucas et Yannès, buteurs sur cette rencontre. Donc Lucas, toi d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de ce match aujourd'hui? Qu'ils ont bien joué. On a eu des problèmes en défense et voilà, on n'a pas parlé et c'est tout. Donc qu'est-ce que vous allez travailler toi personnellement pour les prochains entraînements? Peut-être un peu aider, un peu soutenir mon équipe, peut-être parler et peut-être frapper un peu. Anes, et toi, qu'est-ce que t'as pensé du match aujourd'hui? On a bien joué, ils ont bien joué. On s'est beaucoup jeté, c'est ça ce qui nous manquait. On dans nos occasions, on tirait jamais. C'était ça notre souci. Donc, qu'est-ce que vous allez travailler? On va travailler le repli défensif, de ne pas se jeter et d'essayer de parler. Très bien, merci. Donc voilà pour l'équipe de DU11 qui a perdu face à la Ferté. Donc buteur sur cette rencontre, un but pour Lucas et un but pour Anes. On finit avec les U11 avant de faire une petite pause musicale. Oui, donc l'équipe 3 des U11 se déplaçait sur le terrain de Saint-Denis-en-Val. Victoire 4-1 pour Saint-Denis-en-Val, donc défaite pour l'équipe de l'Union portugaise ce week-end. Donc, contrairement au week-end dernier, on avait eu un week-end 100% victorieux pour les U11. Là, ce week-end, c'était plutôt 100% défaite. Mais bon, je pense qu'ils vont se ressaisir et ramener des victoires dès la semaine prochaine. Donc, je suis avec Nuno, coach de l'équipe 3 des U11. Qu'est-ce qui aujourd'hui explique cette défaite 4-1 face à Saint-Denis-en-Val? Donc, bonjour. Ce qui explique cette défaite 4-1 contre Saint-Denis-en-Val, c'est d'abord la motivation des joueurs. En effet, la première mi-temps a été dure, beaucoup trop dure même. Aucun joueur n'avait la motivation de jouer. Ils ont eu des difficultés à rentrer dans leur match. On se prend 3 buts sur une percée d'un joueur à gauche, qui nous a fait beaucoup de mal tout au long du match. En deuxième mi-temps, on rentre bien, on arrive à mettre un but. Pendant 10 minutes, on a réussi à les faire douter de notre capacité. Puis on se reprend un but qui nous a enterrés. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous allez travailler à l'entraînement, sachant que les prochains matchs seront pour le dernier tour de la Coupe face à des équipes de division supérieure? Donc pour cette semaine d'entraînement, pour se préparer à la coupe, on va essayer de voir quelques cheminements qu'on va mettre en place à l'entraînement et aussi travailler la finition dos au but avec quelques contrôles orientés et enchaînement avec une frappe. Donc autour d'Andy, seul buteur sur cette rencontre. Andy, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut expliquer cette défaite aujourd'hui? À la première mi-temps, on n'était pas réveillés, on n'avait pas l'envie de gagner. Et après les 3 buts, on s'est réveillés et on a que pu en mettre un. Qu'est-ce que tu penses qu'il va falloir que vous travailliez pour améliorer un peu tout ça? Déjà, on doit plus améliorer la finition, parce qu'on aurait été beaucoup d'occasions quand même. Et aussi la précision des passes. Et après, je pense que c'est tout. Ok, merci Andy. Donc voilà pour les matchs de nos U11 samedi. Donc on va faire une petite pause musicale. On revient tout de suite avec la suite de nos matchs du week-end. Enamorarte, voy a cantarte. Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones. El que te quiere a ti las 4 estaciones. No importa si llueve, yo voy a cuidarte para enamorarte. Porque tú eres todo lo que quiero, contigo me muero y por toda la vida serás lo primero. Cuando te fuiste ya no pude más. Yo solo sé que ya en todo te vas. Y estoy contigo tú el cielo. Y mi alma se pone en vuelo. Mis pies no tocan el suelo. Yo solo sé que yo te quiero más. Para enamorar. yo te amo, te quiero y espero que tú sientas lo mismo por mí. Y contigo subo el cielo y mi alma se pone vuelo, mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que te quiero más. Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños, y así también lo olvida, podrás besarme. Para enamorarte, yo voy a cantarte, yeah, yeah. Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones, el que te quiere aquí en las cuatro estaciones. No importa si llueve, yo voy a cuidarte, yeah, yeah. Para enamorarte, oh, oh. Para enamorarte, oh, oh. Sur Arc-en-Ciel, on est à 100% Union, tout ce que vous voulez savoir sur l'Union portugaise, c'est tous les lundis de 18h à 19h. Et donc je suis toujours en compagnie de Yousra. On a fait déjà le tour des matchs du samedi matin, plus pour les U9, pour l'équipe 1 des U13 et les trois équipes des U11. On poursuit maintenant avec l'équipe 2 des U13. Oui, donc l'équipe 2 des U13. Qui se déplaçait, je crois, à Marseille. Oui, exactement. Donc victoire 8-4 pour l'Union portugaise face à Marseille pour l'équipe 2 des U13. Donc je suis avec Théo, coach aujourd'hui de l'équipe de DU13. Théo, victoire assez facile ou le score n'est pas représentatif de ce qui s'est passé pendant le match ? Personnellement, ça a été dans l'ensemble. Match, on va dire, un peu facile parce que la défense de l'autre équipe n'était pas du tout là, au bon endroit. Nos joueurs passaient les ballons, savaient où se placer, donc... très contents de leur match qu'ils ont fait. Beaucoup de buts de notre part. Est-ce que c'est ce que vous travaillez à l'entraînement ou est-ce que aujourd'hui justement la défense, comme tu l'as dit, était absente en face et ce qui leur a permis de marquer beaucoup de buts? Ouais, c'est ça. Hein. C'est que la défense était absente en face, donc très facile de marquer des buts. Mais après, travailler l'entraînement, ils ont reproduit ce qu'on travaillait à l'entraînement avec eux, donc très content là-dessus. Après, on va travailler plus avec le gardien, parce que notre gardien avait un peu de difficulté aussi, mais dans l'ensemble, ça a été. Ok, merci Théo. Donc je suis en compagnie de Nathanaël, buteur sur cette rencontre de l'équipe de DU13. Qu'as-tu pensé du match aujourd'hui? Le match, il était bien. Il y avait beaucoup d'actions, on en a raté quelques-unes. Et on a eu quelques blessés, mais ça allait. Et voilà. Mais sinon, l'équipe adverse, ils ont beaucoup simulé. Ils se jetaient par terre pour avoir un pénalty gratuit. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Ok. Et toi, sur ce match, t'as marqué combien de buts aujourd'hui? J'ai marqué le premier et le dernier. J'en ai marqué deux. Ok. Très bien. Bravo pour tes buts et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Donc autour de Mohamed, buteur également sur cette rencontre. Qu'est-ce que toi, t'as pensé du match aujourd'hui? On a bien joué. On n'a pas lâché. On a continué à marquer. On marquait, en fait, on disait dans notre tête, il y a 0-0. Comme ça, on rajoute beaucoup de buts. Et du coup, toi, aujourd'hui, t'as marqué combien de buts? J'ai marqué un doublé. D'accord. C'était compliqué de marquer des buts aujourd'hui ou... Non, c'était un peu facile. Bon, en tout cas, merci Mohamed et bravo pour tes buts. Donc voilà pour l'équipe 2 des U13. Donc on avait, en plus de Mohamed et Nathanaël, les buteurs, on avait aussi un but de Fodé Moussa et un but d'Adem. Donc ensuite, on avait un match un peu plus tard des U15. Oui, les U15 de l'Union portugaise se déplaçaient sur le terrain de Boigny-Chessy. Donc match nul entre les deux équipes, 3-3. Donc on va écouter, donc là on n'a que la voix du coach pour ce match-là. Bonjour Sébastien, tes impressions sur ce match aujourd'hui face à Chessy qui se termine sur un match nul 3-3? Match contre Chessy, très beau match de la part de U15. Malgré le match nul, je pense qu'on doit avoir au moins une victoire. Mais bon, partir avec un point, très bien. Match à garder pour le futur match contre la FPTT. Et pourquoi pas une belle victoire contre eux, ça nous remettrait sur le podium pour une éventuelle montée. Félicitations à eux. Les buteurs sont Amadou, Ilyes. Donc je les remercie. Merci Tony d'avoir pris les buts hier. Très sympa de sa part. Et beau collectif. Donc voilà pour nos U15. Donc nos U15 avec ce match nul obtenu face à Chessy, donc à Chessy. Ils se retrouvent désormais, ou continuent d'ailleurs, puisqu'ils sont encore à la cinquième place, à deux points du quatrième et du troisième qui sont ex aequo. Donc en espérant une victoire sur le prochain match qui leur permettrait de remonter sur le podium, peut-être. Le match suivant, il sera le dernier match du samedi d'ailleurs. Oui, donc l'équipe de l'Union portugaise, l'équipe U17 de l'Union portugaise se déplaçait sur le terrain de le CJF, l'équipe de Fleury. Très lourde défaite pour l'Union. Défaite 8-0 face au CJF. Donc on va écouter le coach des U17. Alors bonjour, je suis avec Frédérico, l'entraîneur des U17. Donc à la fin de ce match là, je m'imagine une grosse déception puisque l'équipe a perdu 8-0, 4 buts à chaque mi-temps encaissés pour aucun marqué. Quel est votre ressenti? Très déçu. Après les joueurs, ils ont pas donné ce qu'ils avaient à donner. Ils ont été dominés dès le début, ils étaient pas à fond et du coup ça s'est ressenti sur le match. Et voilà. Du coup, il y a des motifs d'espoir quand même ou pas? Après, j'ai vu des belles choses, mais c'est globalement, c'était le reste. C'était aussi, par exemple, les milieux qui ne suivaient pas. Donc, une fois que quelqu'un lâche, c'est toute l'équipe qui lâche. Donc, Après, il y a des belles choses, donc après, ça, il faut travailler dans l'entraînement, quoi. Mais sinon, ouais, je suis déçu, mais pas trop. Donc, en gros, si j'ai bien compris, vous allez remobiliser vos joueurs et espérer de meilleurs résultats. C'est ça. On va pratiquer pas mal de choses d'entraînement pour que cette défaite ne se reproduise plus jamais. En tout cas. Ça marche, merci. Bon, en tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Ah. Donc voilà pour nos U17, donc en espérant que, oui, justement, comme l'a bien dit le coach, qu'une lourde défaite comme ça ne se reproduise pas. Donc avec cette défaite, nos U17 se retrouvent à la 6e place du classement, donc avec seulement 2 points. Donc voilà, donc on espère qu'ils vont se reprendre un petit peu en main et qu'on aura des meilleures nouvelles à annoncer la semaine prochaine. On fait une petite pause musicale avant d'entamer les matchs qui se sont un peu mieux déroulés, ou en tout cas avec des résultats un peu plus favorables pour nos joueurs seniors de ce week-end. Sommes-nous le dernier des Mohicans, des malheureux, à nous rêver tout simplement une vie à deux. Et si tout ça fait de nous des fous, tant mieux. Sommes-nous le dernier rempart d'un monde démodé qui rêve de guitare plus que de gros billets? Et si tout ça fait de nous des fous? Parfait. Sur Arc-en-Ciel, 96.2, 100% Union, tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'Union portugaise, c'est tous les lundis de 18h à 19h. Donc après avoir aborder tous les matchs du samedi. Donc il nous reste deux matchs qui se sont déroulés donc dimanche après-midi. Donc le premier pour notre équipe réserve, ce sera... Oui, l'équipe de Seniors recevait à Lillaro l'équipe de Cléry. Victoire 3-2 pour l'équipe de l'Union portugaise. Donc match disputé, mais une victoire malgré tout pour l'équipe de l'Union. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous annoncer la victoire 3-2 contre Cléry de la réserve de l'Union portugaise. Ça a été difficile, mais le principal est de gagner et de ramener les 3 points. On a réussi à se relancer après le match nul contre La Ferté-Saint-Aubin et avoir perdu 2 points. Donc on remonte à la 2e place, ce qui est de très bon augure pour le reste du championnat. Le discours au début du match était 5 matchs, 5 victoires. Là, c'est plus simple et j'espère que ça va continuer comme ça. Il nous reste 4 matchs, 4 victoires pour pouvoir monter en 3e division. Concernant le match contre Cléry, on commence très bien, on domine, on arrive à marquer un but dans les 20 premières minutes. Donc tout se passe bien. Après, on a un petit coup de mou et Cléry arrive à remonter à un partout. Donc à la mi-temps, il fallait remotiver toutes les troupes et pour pouvoir gagner et tenir notre objectif. Malheureusement, en deuxième mi-temps, au début, ça n'a pas recommencé comme on l'aurait souhaité. Donc on se prend un deuxième but. Et face à ce deuxième but, en fait, l'orgueil des joueurs et l'envie de bien faire et de remonter nous a permis de ne pas abandonner et justement de pouvoir égaliser et gagner en fin de match grâce à deux beaux coups francs de Lucas. Le premier but, c'était Zoumana en première mi-temps. Donc je suis très fier de l'équipe, très fier des 14 joueurs, je les félicite. Et maintenant il va falloir aller chercher dans 2 semaines une victoire à Ormes et continuer sur cette lancée. Merci, bonne soirée à tous. Donc voilà pour notre équipe de l'Union portugaise. Donc merci à Jérémy pour son compte rendu détaillé du match d'hier. Donc avec cette victoire d'hier, on retrouve la 2e place. Donc on est à 1 point du premier, donc qui est Patay. Donc sur cette poule-là, donc de l'équipe 2 de l'Union portugaise. Donc c'est assez disputé. Depuis 2-3 semaines, les premiers du classement ont tendance à changer. Donc là, hier, avec sa victoire, Patay est passé devant. Donc devant l'Union portugaise, on est à 1 point. Donc il faut continuer sur cette lancée-là. Et on croit bien sûr à la montée. Et on sera vraiment derrière nos joueurs pour que justement ça puisse se produire. Donc on va faire une dernière petite pause musicale avant de parler du dernier match du week-end. Donc le match de l'équipe 1. Dans un souffle réel, ciel, des étoiles plein la tête. Donc vous êtes bien sûr Arc-en-Ciel, 100% Union. On termine notre tour des résultats avec le dernier match du week-end avec notre équipe 1 des seniors. Oui, dernier match du week-end à 15h pour l'équipe 1 des seniors. Donc l'équipe de l'Union portugaise recevait à domicile à Lilaro l'équipe de Mandoré. Match disputé une fois de plus, mais la victoire pour l'équipe de l'Union portugaise 4-3. Donc une belle victoire face au premier du classement. Donc on va écouter les différentes réactions du coach et des joueurs. Bonjour, je suis avec David, le coach de l'équipe première senior. Bravo pour les seniors, deux matchs de victoire. La réserve, on va dire, conforte sa première place, ou sa deuxième place d'ailleurs, en attendant du résultat de pâté. Et vous battez le premier, donc des bons résultats. Oui, un gros match fait. Le terrain à domicile à Saint-Étienne qui fait rouler le ballon rapidement, qui met de l'intensité, on arrive très bien à jouer sur ce terrain-là. Dès qu'on est chez nous, on arrive à accrocher des grosses équipes. C'est encore plus frustrant au final parce qu'on se dit que notre place de 5-6e n'est pas méritée, on mérite mieux. Mais bon, après, belle équipe de Villemourdeur, hein, très, très costaud sur les coups de pied arrêtés, qui joue juste, hein, belle équipe aussi. Ok. Jeudi, donc, vous jouez de nouveau, quart de Coupe du Loiret. J'ai vu votre vice-capitaine, là, Dorian, il y croit. Comment vous allez aborder ce match ? Oui, après, faut y croire, c'est sûr, sinon ça ne sert à rien de jouer ce match-là. On va jouer une R1, on en a éliminé une R2. Faut se donner à fond sur un match. C'est 14 bonhommes contre 14 bonhommes, tout peut arriver. Donc ouais, on va y croire et on verra. Très bien. Et dernière petite question. Peut-on s'attendre à des surprises lors de la convocation ou pas du tout? Non, je pense que ça va pas beaucoup bouger. Hein. Peut-être il y a un ou deux absents le jeudi. Hein. Du coup, du fait qu'on joue en semaine, mais ça va pas bouger. Je vais faire confiance aux mêmes garçons et on verra bien. Très bien. Bon, en tout cas, on vous souhaite le meilleur, hein, pour jeudi. Merci. Bon courage. Merci. Alors bonjour, je suis avec Chaïd, en présence de Chaïd, grand homme du match. On va dire, hein, 3 buts et une passe décisive, hein, c'est ça, sur les 4 buts marqués, donc omniprésent. Belle victoire face au leader, 4-3. Vous meniez 4-1, après le leader a poussé et réduit le score, mais ça vous a pas empêché de gagner. Alors déjà, avant tout, vos impressions par rapport à ce match. Bonjour Xavier, mes impressions par ce match-là, déjà c'était un match très très difficile parce qu'on joue contre Mandoré, c'est les premières et ça joue bien, mais nous on n'a pas lâché et il y avait le travail de l'équipe et le travail de l'équipe toujours ça paye. D'accord. Et alors une dernière chose, je sais que vous avez, donc ça c'est un très bon résultat qui indique vraiment que vous avez le niveau peut-être pour espérer mieux, en tout cas en classement, mais jeudi vous avez un match important, c'est face au CA Pithiviers, une R1 en quart de Coupe du Loiret, vous êtes motivé j'imagine ? Ah bah oui, on est grave motivé parce qu'on est là pour gagner et on va essayer aller le maximum possible. Oui, pourquoi non, le final, on va essayer de gagner le final. On va aller jusqu'au final, jusqu'au bout. On prend match par match. D'accord. En tout cas, donc c'est bon augure pour jeudi, on a cette victoire. Ah, c'est vrai, on va remettre en confiance parce que déjà, c'est une belle victoire contre les premiers. Et, voilà, on va être en forme pour jeudi et on va donner à fond et on va essayer de gagner. Très bien, merci. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Si, un dernier petit mot. Je vous vois un peu boitillant. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un tacle par derrière. C'était solo. Normalement, il met un carton rouge, mais monsieur l'arbitre, il a été très, très, très gentil. Il m'a taclé par derrière. Du coup, c'est ma cheville s'est tournée. Ça a tourné ? Ouais. On aura des chances quand même de vous voir jeudi ? Je vais essayer de jouer, mais j'ai hâte de jouer, mais on va voir. Ok. Bon, bah en tout cas, remettez-vous vite. Merci. Au revoir. Alors bonjour, je suis en compagnie de Dorian, vice-capitaine, plus capitaine, hein, c'est vrai, avec la sortie de Kevin. Donc, 4-3, victoire face au leader, belle performance, beau match, vous meniez 4-1, on a un peu plus souffert sur la fin, ils sont revenus à 4-3, mais c'est plutôt un beau galop d'essai par rapport au match de jeudi. Bonjour à tous, donc ouais, victoire 4-3 contre les leaders. On était préparé, on savait que ça allait pas être un match facile, hein. Quand on joue les premiers, c'est toujours compliqué, jouer la montée, etc. Après, on est chez nous, on sait que chez nous, on est très fort. On perd très peu de matchs, voire quasi aucun. Donc, on joue avec nos armes, on avait de l'envie. Tout le monde s'est battu. On a mené au score tout le match, à part le 1-1, quoi. Donc, on a mené tout le match. Je pense qu'on a su gérer tout le long du match. De l'envie. Toujours de l'envie du côté de l'Union, beaucoup de solidarité, surtout sur les dernières minutes quand on prend les deux buts là et qu'ils reviennent à 4-3. Mais voilà, on a su gérer nos émotions et conclure par une victoire. D'accord. Et du coup, jeudi, vous êtes comme les pros, hein, vous jouez tous les trois jours. Jeudi, donc match de coupe, quart de finale de Coupe du Loiret face à une R1 à Pithiviers. On est en droit de rêver ou ça va être compliqué? C'est vrai qu'on joue beaucoup en ce moment, on n'a pas trop de repos et tout, on n'a pas trop l'habitude, mais ça fait du bien, ça remet les joueurs en forme et ça ramène du monde. Après ouais, bien sûr, on est une équipe de D2, on joue une R3 ou R1 je crois, R1 voilà, donc ouais bien sûr on a le droit de rêver, nous on y croit, on va se battre avec nos armes, l'envie toujours, la solidarité, combativité et puis voilà, venez nombreux, venez nous supporter, et nous on sera au rendez-vous en tout cas. Bah, j'espère que l'appel sera productif et qu'il y aura plein de monde pour vous supporter. En tout cas, bravo pour votre match et puis à très vite, à jeudi du coup. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Donc voilà pour le match de nos seniors, donc le dernier match du week-end, donc dimanche, terminé sur une victoire donc face au premier, donc une très belle victoire. Donc avec cette victoire, on conforte notre sixième place au classement. Donc on est à 6 points du cinquième. Donc bon, le championnat n'est pas tout à fait fini, donc il y a toujours possibilité de grappiller quelques places. Mais comme l'ont si bien dit les joueurs et le coach des seniors, donc il y a un match aussi important jeudi pour eux. On en reparle juste après quand on vous donnera le planning du week-end. Oh, my soul. vous êtes bien sûr Arc-en-Ciel, 100% Union. On a donc, comme la semaine dernière, quelques annonces à faire. Donc, toujours par rapport à la collecte qu'on a mis en place pour soutenir nos voisins ukrainiens. Donc, pour ceux qui souhaiteraient participer, donc c'est la dernière semaine, puisqu'à partir de samedi, on devra tout emmener à la protection civile, donc à Saint-Cyr-en-Val, pour qu'ils puissent organiser la distribution donc des biens collectés. Donc, pour ceux qui souhaiteraient participer, n'hésitez pas. Donc, vous avez possibilité de le faire en apportant les biens demandés, donc ce qu'on avait évoqué la semaine dernière. Donc tout ce qui est un peu Je te laisse. Il y a trois catégories donc pour la logistique et par exemple des sacs de couchage également aussi du matériel électrique. Ensuite surtout dans la catégorie hygiène, tout ce qui est dentifrice, brosse à dents, des couches pour bébé, enfin le lait maternel, mousse à raser et bien sûr aussi dans la catégorie secours pour le personnel médical, voilà, des bandages, des pansements, des masques chirurgicaux. Pour ne citer que ça, des blouses médicales leur seront très utiles. Donc voilà, donc toujours possibilité de les déposer à Lillaro. Je tiens d'ailleurs à remercier déjà les parents et enfants qui ont déjà participé. Donc on a déjà trois gros cartons à transmettre. Donc n'hésitez pas si vous en avez envie, si vous avez la possibilité aussi. Donc le mardi et le jeudi à Lillaro, aux horaires d'entraînement. Donc ensuite, toujours comme d'habitude, possibilité de passer au siège de l'Union, donc au Faubourg Saint-Vincent. Donc vous avez le président qui vous y reçoit du mardi au dimanche. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous arrêter, boire un verre, boire un café ou jouer aux cartes, tout simplement. Vous serez accueillis à bras ouverts par le président qui se fera un plaisir de vous recevoir, là-bas. On va donc passer aux anniversaires. Donc, on en a quelques-uns cette semaine. Oui, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Mohamed, joueur U17, qui fête son anniversaire demain, mardi 15. À Ryan, joueur U19, qui fête son anniversaire mercredi. Et à Bruno, joueur senior, qui fête son anniversaire ce vendredi, le 18. Parabéns à tous. Okay. Et j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire en avance à Yousra, donc qui fêtera son anniversaire mercredi. Merci. On va donc pouvoir passer maintenant au programme du week-end à venir, enfin même de la semaine à venir, puisqu'encore une fois, comme le disait si bien Xavier, donc comme les pros, on a des matchs tous les trois jours, donc les seniors entreront en scène dès jeudi. Oui, match jeudi à 19h30 à Lillaro. L'Union portugaise donc reçoit l'équipe de Pithiviers. L'équipe senior 1 jouera un quart de finale de Coupe du Loiret. Donc voilà, donc n'hésitez pas, venez nombreux les encourager. Ils auront très probablement besoin de vos encouragements. Donc ils affrontent encore une équipe qui est trois niveaux au-dessus, donc une R1. Donc n'hésitez pas, venez les soutenir, ça les encouragera et on espère. Pourquoi pas rêver, comme le disaient si bien les joueurs tout à l'heure, rêver à une finale de Coupe du Loiret pour nos joueurs de l'Union portugaise. Oui, ensuite, autre match de coupe. Donc ce samedi 19 mars, toujours, cette fois-ci à 16h, l'équipe U19 recevra un gré à Lillaro pour jouer le quart de finale de la Coupe Bergerard. Donc pareil, venez nombreux les soutenir aussi. Donc c'est un gros match en perspective pour nos U19 qui ont déjà affronté un gré en début de saison mais pour le championnat. Donc là on leur souhaite vraiment un très très bon match et on espère aussi une qualification. Donc ça serait de bon augure pour nous et puis pour eux surtout. Mais ça nous ferait deux équipes. Donc si les seniors et si nos U19 passent, on serait deux équipes en demi-finale. Donc ça serait vraiment super. Donc en plus là, ça sera à 16h l'après-midi. Donc n'hésitez pas à passer à Lillaro et venir soutenir nos joueurs. Et donc avant, il y aura aussi donc possibilité pour nos U11 aussi de se qualifier pour aussi la coupe. Donc pour les U11, on a le challenge. Donc, on est en troisième tour du challenge. Donc, en passant ce tour-là, on se retrouvera en finale. Donc l'équipe 1 de l'Union donc affrontera La Chapelle et le CJF donc en challenge, et on a nos deux autres équipes donc U11-2 et U11-3 qui sont donc au deuxième tour de la Coupe départementale. Donc en gros c'est un peu comme pour simplifier, on va dire, la Champions League et l'Europa League. Donc nos équipes 2 et 3 sont plutôt en Europa League, et pareil, donc si elles se qualifient, il y a possibilité après de participer à la grande finale. Donc on a l'équipe 3 qui sera opposée à l'équipe de l'Escale, une équipe d'Ingrée, une équipe de Mins-sur-Loire, et notre équipe 2 quant à elle affrontera donc Marseille, Olivet et Saint-Jean-de-Blanc. Donc bon courage à tous nos joueurs, et on espère pouvoir se qualifier sur les phases finales de ces coupes. Donc, autre match ce samedi, l'équipe 2 des U13 recevra à domicile à Lillaro l'équipe d'Olivet à 14h. Donc, pareil, c'est un match qui avait été décalé, donc c'est un match en retard. Donc, après, pareil, si vous voulez venir les encourager, en plus, si on a un beau week-end comme c'est prévu, n'hésitez pas à passer à Lillaro et encourager nos différentes équipes qui seront sur les terrains. Et pour ce dimanche, nous aurons un match de l'équipe senior contre La Ferté. Donc l'équipe senior se déplacera à 15h ce dimanche sur le terrain de La Ferté. Donc voilà pour le programme. Donc c'est un programme assez light par rapport au week-end précédent, mais bon, toujours est-il que vous pouvez passer voir nos joueurs, les encourager, et surtout on espère des victoires à annoncer dès lundi prochain. Tu não vives satisfeito, muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. donc les petites dernières annonces que j'ai oubliées tout à l'heure. Donc je vous rappelle donc le stage pour nos U11-U13 pendant les vacances du mois d'avril. Donc les places sont restreintes, les inscriptions sont ouvertes. Donc n'hésitez pas si vous voulez inscrire votre enfant. Donc il y aura du foot, mais pas que. Donc quelques sorties de prévues, notamment le bowling ou le laser game. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'éducateur en question pour les inscriptions. Et donc voilà, sinon après, bah comme d'habitude, toujours les entraînements le mardi et le jeudi, donc sur les mêmes tranches horaires, donc de 18h à 19h45 pour les plus jeunes et de 19h45 à 21h30 donc pour nos joueurs seniors ou pour nos U19. Donc n'hésitez pas à passer à l'Hilaro. Si vous avez des questions ou notamment pour le programme des matchs, vous avez toujours possibilité de vous référer au Facebook où nous sommes désormais aussi maintenant sur Instagram, donc toujours Union Portugaise d'Orléans. Vous avez toutes les actus, notamment les programmes de matchs et aussi les résultats des matchs, ainsi que quelques photos quand on a l'occasion et quand on y pense avant les matchs de pouvoir prendre nos joueurs en photo. Pour nous c'est tout aujourd'hui. Je souhaite à tous nos auditeurs ainsi qu'à tous nos licenciés une bonne semaine, normalement ensoleillée, on l'espère en tout cas. Merci Yousra encore une fois d'être merci à toi. Et puis la semaine prochaine, en espérant avoir des très bonnes nouvelles à annoncer à nos auditeurs. Oui, on espère. Bonne soirée à tous et à toutes. Laisse nos chaussures au placard et on prend la guitare, un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents, on prendra tout notre temps. Je te garde pour moi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, destination ailleurs, on peut fermer un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination ailleurs, destination ailleurs. On peut faire une pause dans nos vies, c'est peut-être pas mal aussi. No, no, no.